Exploser une planète, on sait le faire aussi. Exagérer après une vingtaine de canettes, on sait le faire aussi. Être intéressant sans l'être, on sait le faire aussi. Faire semblant de maîtriser un sujet sans le connaître, on sait le faire aussi. Ouais. Démarrage en trombe, on sait le faire aussi. Assemblage artisanal d'une bombe, on sait le faire aussi. La promesse d'aller creuser ta tombe, on sait le faire aussi. Grâce à Lucifer, tout ce que tu sais faire mon con, on sait le faire aussi. Exagérer, on sait le faire aussi. Lâcher des rimes acérées, on sait le faire aussi. Se la péter alors qu'on fait de la merde, on sait le faire aussi. Dire que c'est toi qui as fait le son, alors que c'est ton frère, on sait le faire aussi. Extrême défi, on sait le faire aussi. C'est jouer comme un porc sur le récif, on sait le faire aussi. Tout ce que tu fais, on s'en branle, on sait le faire aussi. Grâce à Lucifer, tout ce que tu sais faire, mon con, bah on sait le faire aussi. On sait tout faire, est-ce qu'on sait pas faire? On sait le faire aussi. Lucifer garde des enfers, sûrement qu'on peut le faire aussi. Bricoler à l'arrière, c'est sûr, on sait le faire aussi. Se casser le reculaire, ça, on sait le faire aussi. Balancer un texte vide, on sait le faire aussi. Rapper sur la même rime, on sait le faire aussi. Voyager dans l'espace, je suis sûr qu'on peut le faire aussi. Demain c'est loin, mais dans peu de temps, on y sera aussi. Ouais, droite gauche dans la face, on sait le faire aussi. Insulter ton grand-père de pétasse, on sait le faire aussi. Relooker une vieille carcasse, c'est grave, mais on sait le faire aussi. Comme fuir si c'est pas drôle, fuir si ça sent le roussi, on sait le faire aussi. Est-ce qu'on sait pas faire? On sait le faire aussi. Se répéter autant que toi t'as vu, on sait le faire aussi. Les voisins font chier, v'là le raffut, on sait le faire aussi. Je te rassure, ce track, coup de masture en vrac, car on sait le faire aussi. Teaser 2 litres de vodka sec, on sait le faire aussi. Écouter un scud sur un post cassette, on sait le faire aussi. Se branler en crypté sur canal, j'ai su le faire aussi. Rentrer bourré, s'asseoir pour pisser, on sait le faire aussi. Ce que je sais faire, j'avoue, je sais le faire aussi. Se toucher les boules, puis te serrer la main, on sait le faire aussi. Ne rien faire, mais bien le faire, on sait le faire aussi. Être assis et laisser mamie debout, ça me fait marrer aussi. Détester un gosse, on sait le faire aussi. Mignotant à droite pour tourner à gauche, on sait le faire aussi. 17h, graille un grec frite, on l'a fait au sable passe dans le tableau électrique, c'était nous aussi. Péter dans un lieu public, on sait le faire aussi. Le même slip de journée de suite, on sait le faire aussi. On te pied sous le canapé, on sait le faire aussi. Se moquer d'un handicapé, bah je te laisse deviner.